La légende de Noël. Après 189 ans à arpenter les terres du royaume des neiges éternelles, j'avais senti les choses venir. Cette fichue rumeur sur le danger à nos frontières, elle rendait les gens anxieux. Et c'était pas bon. Avec ça, le mal avait ce qu'il faut pour prendre racine. Les fils du destin étaient si emmêlés que je pouvais plus voir ce qui allait se passer. Alors j'ai fait comme avec une pelote pleine de nœuds. J'ai tiré un fil et je l'ai suivi, espérant trouver une solution. Celui-ci m'amena tout au nord du royaume, dans un village loin de tout. Un garde royal barrait l'entrée. Face à cette montagne de muscles à l'armure impeccable, j'avais l'air d'une vieille chouette flétrie mal fagotée. Halte là ! Laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Personne n'entre ni ne sort sans l'autorisation du maître instructeur. Oh, j'ai si froid aux os. C'est pas mon problème. Je vais ici, vous savez, je suis la chamane du village. Je vous ai jamais vu. C'est que je reviens d'une longue retraite dans la vallée. Je ne peux pas vous laisser... Mais que faites-vous ? Ce qu'il est... Tenez ! Du pain d'épices ? Pour qui me prenez-vous ? Pour un garde qui mérite une récompense. Vous êtes seul à braver le froid et protéger les miens. Oui, mais... Vous méritez ce gâteau. Et en plus, ça ferait plaisir à une vieille dame qui a fait une longue route pour revenir au bercail. Bien. Oh, quel délice! Je n'ai jamais mangé rien d'aussi bon. Tant mieux. Dites, je peux entrer maintenant? J'ai si froid. Mais bien sûr, je vous accompagne. Non, non, merci, mon petit, ça ira. Je n'avais jamais vu un village aussi désert. L'ambiance de mort y donnait l'impression que d'horribles monstres se cachaient dans l'ombre, prêts à bondir. Mais j'étais trop vieille pour avoir peur, et surtout trop concentrée à suivre ce fichu fil du destin. Il m'amena à une petite maison avec une porte défoncée. J'ai passé la tête dans l'encadrement, et j'ai découvert un jeune garçon étalé par terre, une flaque de sang autour de la tête. Je me suis précipitée aussi vite que mes vieux muscles me le permettaient. Mon onguent de fleur d'ohito referma sa plaie, mais il demeurait inconscient. Et j'avais pas le luxe d'attendre qu'il recouvre ses esprits. Alors j'ai sorti un remède de choc de mon sac à malice, une fiole remplie de bouse de yéti mélangée à de l'urine de troll, puis je l'ai ouvert sous son nez. Laissez-la, tranquille. Du calme, mon garçon, tu as reçu un vilain coup. Maman, ils l'ont emmenée, elle n'avait rien fait. Le pauvre petit, qui s'appelait Noël, me raconta ce qui s'était passé. Aucun mot ne le consolait. Alors je lui offris un morceau de pain d'épices qu'il dévora en une bouchée. Le torrent de pleurs se tarit, Noël retrouva quelques couleurs, me sourit et s'écroula de fatigue. Je somnolais au chevet de Noël quand des enfants déboulèrent comme un troupeau de gnous. Ils me dévisagèrent dans un concerto de cris, puis fixèrent en silence leur ami alité. Avec tous ramdam, Noël ouvrit un œil. Noël va bien, ne vous inquiétez pas, les enfants. Pourquoi t'es là, Okyo ? Un silence glaça l'atmosphère. Ben, comme les autres, je m'inquiétais. Vraiment ? Dis plutôt que tu voulais voir si tu avais réussi ton coup. Mais non, je te jure. Quand j'ai ouvert le paquet, l'oiseau s'est mis à chanter. Papa a débarqué comme une furie, il l'a mis en pièces et puis il a claqué la porte si fort que toute ma chambre a tremblé. Et depuis, il ne m'a pas adressé un mot. Désolé. C'est vrai que c'est ta maman qui a fabriqué nos jouets ? Mais non ! Comment elle aurait pu ? Oh, ma tête ! Faut que Noël se repose. Filez déjeuner, je m'occupe de lui. Vous êtes qui d'ailleurs ? Une personne qui est arrivée au bon moment. Maintenant, oust ! La tornade d'enfants repartit, Noël s'assit sur son lit et me fixa, un sourcil levé. C'est vrai ça ? Vous êtes qui ? Je suis Nora, une chamane qui parcourt nos terres depuis fort longtemps. Comment êtes-vous arrivée ici ? Grâce au destin, il m'a amenée à toi parce que t'as un truc... Pour causer les soucis ? Pour créer de l'espoir. Et crois-moi, on va en avoir besoin. Pourquoi ça ? Parce que le mal prend racine dans le cœur des gens. Mais il n'est pas trop tard. Et c'est peut-être bien toi qui vas nous sauver. Moi ? Avec des jouets ? Avec des jouets. T'as vu l'effet qu'ils ont eu sur tes amis ? Faut pas abandonner, tu verras. Qu'est-ce qu'il y a ? Les souhaits des copains ? Je ne m'en souviens plus. Cette perte de mémoire était fâcheuse. Je suis allée me faire une tisane. Je réfléchis mieux avec une tisane. Je me force toujours à boire lentement, comme ça mon esprit vagabonde et trouve des idées. Comment récupérer les souhaits sans attirer l'attention de cet infâme pahut et de ses bourricots de soldats? Pas à l'école ou dans la rue. Peut-être que... Léna, elle a dit que c'est en dessinant qu'elle a reçu son cadeau. Ça me rappelle quand j'étais ptiote. Pour envoyer nos prières aux esprits, on les écrivait sur un papier et on les envoyait vers les cieux, oh, par notre cheminée. L'idée redonna toute son énergie à Noël, qui se rua dehors pour rejoindre ses camarades. Après l'école, il rentra fier d'avoir rempli sa mission. Il les avait convaincus que sa mère n'y était pour rien et que l'esprit d'Iule veillait sur leurs souhaits. Et il leur a suggéré de les envoyer par écrit. Cette nuit-là, des dizaines de papiers s'élevèrent des cheminées. À l'aide d'une légère brise nocturne, je pus les récolter sans effort. En contemplant notre moisson, un problème surgit immédiatement. Il y avait trop de souhaits à satisfaire. Noël n'y arriverait jamais seul. Sauf si les esprits des glaces voulaient l'aider, mais... il n'y avait pas plus bourrique qu'eux. Ils en faisaient qu'à leur tête. Heureusement, j'avais ce qu'il fallait pour attirer leur attention. Du bois Jumala. Quand il brûle, il dégage un halo de chaleur qui forme une porte vers le monde des esprits. La chaleur monta très très vite. Le passage s'ouvrit, projetant une lumière multicolore dans toute la maison. Noël resta bouche bée. Des ombres pâles apparurent. Elles murmurèrent des paroles inaudibles avant de se pencher sur le petit gars. Deux signes se dessinèrent dans l'air, Bunjo et Djebo, les runes de la joie et du don. Elles irradièrent la pièce. D'un coup, nous étions à nouveau dans le vrai monde. Noël était auréolé de lumière. Ses yeux étincelaient comme des diamants. Sans un mot, il se leva et se dirigea vers son atelier. Je voulus le suivre, mais une enclume de fatigue me tomba dessus. Peut-être valait-il mieux que je me repose. Juste un instant. Noah ? Oui, alors... Vous devez voir ça. Oh, par les esprits! Il faisait grand jour. La pièce était remplie d'une dizaine de jouets colorés. Je crois qu'on va offrir à ton village la plus fabuleuse des livraisons. Pendant que Noël était à l'école, je me suis claquemurée toute la journée pour emballer ses créations et les ranger dans deux gros sacs en toile. Lorsqu'il est rentré, je lui ai proposé mon aide. Je n'étais plus de première fraîcheur, ni très véloce, mais je savais me faire plus discrète qu'un murmure. Noël accepta avec joie, nous nous répartîmes les livraisons et puis... nous voilà partis. Ma distribution touchait à sa fin lorsqu'un garde donna l'alerte. Dans la grande rue, j'aperçus Noël en train de distancer un colosse armé. Je m'empressai de tracer un symbole au sol en récitant une courte prière. Un arbre sortit une racine qui fit trébucher le soldat. On s'est faufilé à la maison. Mais à peine on s'était glissé dans nos lits que des soldats firent irruption, nous sommant de nous rendre sur la place du village. Les habitants étaient saisis par la peur et par le froid. Pahus tenait devant un bûcher chargé de jouets, une torche enflammée à la main. Une veine de colère palpitait sur son front. Qui a distribué ces horreurs ? Un souffle glacial lui répondit. Qui ? Pas maman en tout cas, libérez-la ! Ta mère a trahi les ordres du seigneur régent. Mais maître Pahus, c'est l'esprit de Yule. Petite idiote ! Tu crois à ces fariboles ? Et que fera-t-il si je fais ça ? Il abattit sa torche. Le bûcher s'embrasa. Les pauvres enfants essayèrent tant bien que mal de retenir leurs larmes. Et pour la première fois, dans le regard des adultes, la peur laissa de la place pour la colère. Arrivé à la maison, le pauvre Noël enfonça les mains dans ses poches et regarda au loin par la fenêtre. On doit continuer. Ça risque d'être compliqué avec les patrouilles nocturnes. Parlez-toi. On va livrer les jouets par les cheminées. Et t'as déjà sauté de toit en toit? Non, mais j'étais le champion de l'ère de jeu. Et puis, vous pouvez m'aider, non ? Je dois pouvoir faire quelque chose. Des nuits durant, aidé de la bénédiction des esprits, Noël fabriqua des jouets. tellement que j'eus bien du mal à trouver où les cacher. Tout ce temps, les souhaits affluaient, demandant le plus souvent le retour au calme d'antan. Quand Noël voulut passer à l'action, je sortis de mon vieux sac magique un charme de chance pour qu'il ne trébuche jamais. Puis je récitai une prière afin qu'une brise glaciale lui donne plus d'élan. Il s'éclipsa dans la nuit, portant un sac deux fois plus gros que lui. Et lorsque la lumière s'étira paresseusement dans le ciel, des cris de joie éclatèrent. En ouvrant la porte, je suis tombée sur Noël émerveillée. Les rues étaient inondées de jouets et d'enfants joyeux. Leurs parents, déboussolés, les regardaient avec un léger sourire timide. Pahu débarqua, ulcéré, entouré de ses gardes. Vous connaissez la règle. Mais maître Pahu, on ne peut pas faire ça. C'est un miracle de l'esprit de Yule. Il n'existe pas. Et ceux qui ne suivent pas mes ordres seront châtiés. Pahu fendit la marée d'enfants, arrachant leurs jouets. Il était aidé par une poignée de soldats. Les autres les regardaient désemparés. Vous devriez arrêter ça. Je suis le maître de ce village. Vous êtes le maître de rien du tout, mon petit. Vous avez défié l'esprit de Yule, voilà sa réponse. Tout le village s'était regroupé autour de nous. La garde rapprochée du maître instructeur n'en menait pas large. M'est avis que vous serez toujours perdant. Espèce de vieille corneille. Garde, saisissez-la. Les soldats ne bougèrent pas d'un cil. Le pauvre Okio s'approcha, l'air triste. Il prit la main de son père pour l'entraîner loin de nous. Ses gardes les plus fidèles le suivirent. Vous le regretterez. Quand le seigneur régent l'apprendra, il déchaînera sa colère sur votre village ridicule. Les autres soldats restèrent là, les bras ballants. La mère de Noël apparut au loin, le visage ravagé par la fatigue et la faim. Sa tunique était dans un triste état. Noël se précipita vers elle en pleurs. Le reste de la journée fut d'une incroyable légèreté. La nuit venue, des centaines de mots s'élevèrent dans le ciel comme autant de remerciements adressés à l'esprit d'Yule. Noël raconta tout à sa mère qui rayonnait de fierté. Ils continuèrent à fabriquer des jouets ensemble. Et lorsque leur atelier déborda, les soldats qui étaient restés proposèrent de les acheminer dans les villages alentours. Ils disaient qu'avec leurs uniformes, ils passeraient inaperçus. Quand ils partirent, le village entier les acclama. Si les fils du destin étaient toujours emmêlés, celui que j'avais tiré avait dénoué un premier nœud. Bientôt, les vents nous apportèrent des souhaits provenant d'autres villages, mais l'un d'eux venait d'encore bien plus loin. On tenait notre nouveau fil à tirer. Cher esprit de Yule, je m'appelle Imi et je suis un membre du petit peuple de la forêt de Yuli. J'espère que vous lirez mon souhait très particulier. Toute ma tribu a été kidnappée par des humains et je suis tout seul maintenant. Je souhaiterais simplement qu'on soit à nouveau tous réunis. Aidez-moi, je vous en supplie. Comment nos amis vont-ils venir en aide au pauvre Imi ? Vous le saurez au prochain épisode ?